Le dépouillement. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu qui vit un processus de conscientisation est appelé à se dépouiller de tout ce qui n'est pas réel dans sa vie et plus particulièrement dans sa psyché. Donc, le dépouillement psychique, c'est ce que va vivre l'individu qui connaît le processus de la fusion, c'est-à-dire une transmutation énergétique où il passe d'une conscience planétaire à une conscience cosmique. La conscience cosmique, pour qu'elle s'installe au sein de l'individu, doit amener cet individu à se dépouiller de toute forme planétaire qui vont faire interférence avec la descente de l'énergie et aussi avec un fonctionnement autorégulé sur le plan psychique associé à la capacité de l'individu de composer intelligemment avec cette énergie pour avoir une vie qui est en conséquence. Donc, autrement dit, l'individu, pour reprendre un célèbre adage, doit délaisser l'ancien pour faire face au nouveau. Donc, l'individu doit délaisser l'énergie astrale qui l'habitait, qui colorait son aura, pour être capable d'intégrer et rentrer dans l'intelligence de la nature de l'énergie impersonnelle, c'est-à-dire l'énergie supramentale. Donc, c'est un changement d'énergie qui s'opère au sein de l'individu qui vit la mutation psychique. Et cette intelligence liée à l'esprit de l'individu, la contrepartie cosmique qui entre en contact avec sa conscience dans le cadre du processus de la fusion, va infuser dans son mental des idées qui vont l'amener à tendre vers une forme de dépouillement de tout ce qui n'est pas réel en lui. Donc, autrement dit, lorsque l'individu intègre l'esprit et qu'il connaît la descente de cette énergie, donc lorsque sa conscience vibre à l'énergie de l'esprit, il va remettre en question toute forme pensée qui l'empêche d'être libre dans sa psyché. Donc, toutes les croyances, ça peut être, par exemple, la croyance associée au fait que la personne, si c'est un vendredi 13, qu'elle a peur qu'il va y avoir quelque chose de tragique qui va arriver, quelque chose d'horrible. Donc, si la personne a des superstitions. Donc, l'esprit, lorsqu'il va entrer en contact avec l'individu, peut lui acheminer des idées dans le but qu'il fasse des remises en question, à savoir, est-ce que c'est réel que, parce que c'est vendredi 13, qu'il va nécessairement arriver quelque chose d'horrible? Et là, ça peut intérieurement lui répondre non, donc à ce moment-là, c'est pas réel. Donc, l'individu peut capter vibratoirement que beaucoup de croyances associées au passé, des superstitions notamment, n'ont aucun fondement réel. Donc, il développe un esprit qui peut être rapproché avec celui de certains scientifiques. Sauf que, à la différence de la science matérialiste contemporaine, qui vise entre autres à développer un esprit critique, ce qui est bien, mais qui s'opère essentiellement au niveau de la forme, l'esprit critique, c'est une contestation absolue de tout ce qui n'est pas réel, que ce soit au niveau de la forme ou de la vibration, donc une capacité de contester intégralement tout ce qui n'est pas en lien avec une énergie qui est de nature limpide, de nature claire, et qui permet d'accéder au savoir. Et le savoir, c'est lorsque la personne y a accès, elle sait que c'est ça, parce qu'elle en a mesuré une vibratoire à travers son senti, qui lui en indique la réalité. Et le dépouillement au sein de l'individu qui vit la transition psychique, eh bien, s'opère en relation, en bénéficiant de l'éclairage de son savoir, qu'il y ait sa capacité psychique de se connecter à la vibration et l'intelligence de son esprit et d'agir en conséquence. Parce que, en réalité, l'ego, l'individu, sur le plan matériel, a à agir en conséquence avec l'esprit pour participer à son dépouillement, à ce ménage intérieur. En ce sens que si, par exemple, l'esprit lui achemine l'idée qu'il doit se départir de livres de haute spiritualité, qu'il n'a plus besoin de ça, ou se départir de photos associé à son enfance qu'il avait en quantité industrielle pour arrêter de vivre en fonction du passé, mais plutôt vivre en fonction du présent, et qu'il a la vibration qu'il a à faire. Ben, si l'individu n'agit pas en conséquence parce qu'il y a des résistances, et s'il y a des résistances, ça peut être en lien avec le fait qu'il reçoit la pensée d'une entité astrale qui va lui dire « Continue à garder des photos sur ton miroir de commode de chambre de ton passé parce que ça te permet de réfléchir à des moments agréables. » Donc, ça peut lui dire ça intérieurement. Mais simultanément, l'esprit peut lui dire qu'il doit se dépouiller de ces photos-là pour arrêter de vivre dans le passé et d'agir créativement pour avoir une vie qui est intéressante dans le moment présent. Parce que si la personne vit en fonction tout le temps des souvenirs du passé, elle s'ouvre pas à la nouveauté et à ce moment-là, elle se met pas en action pour être capable de canaliser une énergie créative qui va lui permettre un renouvellement psychique perpétuel. Parce que si la personne passe son temps à contempler le passé avec nostalgie par rapport à des voyages qu'elle a faits ou des photos qui ont été prises en famille. C'est parce que la personne est attachée à des mémoires. Donc, si elle est attachée à des mémoires, c'est parce qu'elle n'est pas libre. Si elle n'est pas libre, c'est parce que quelque part, elle est conditionnée par ses idées qui font en sorte que lorsque son attention est tournée vers le passé, eh bien, elle ne peut pas l'être simultanément vers le présent ou vers l'avenir. Donc, autrement dit, la personne qui est occupée à réfléchir à son passé, elle ne va pas simultanément se mettre en action pour être en contact avec la présence de l'esprit. Parce que, après tout, l'esprit ne vit pas dans le passé. L'esprit vit dans un moment présent et dans une dynamique du projet par rapport à l'avenir. Donc, l'esprit, en tant qu'énergie libre de la forme et contrepartie cosmique de l'individu, va chercher à amener l'individu à être à son image, c'est-à-dire d'être dépouillé des formes passées. Donc, l'esprit n'est pas enchaîné à des mémoires anciennes. L'esprit ne vit pas le karma. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui passe son temps à contempler des souvenirs anciens puis de vibrer une émotion de nostalgie, c'est une forme de karma. C'est-à-dire, c'est une forme de liaison psychique entre la personne et le souvenir. Et plus elle passe du temps à réfléchir à un souvenir, plus elle est habitée par la pensée du souvenir, plus qu'elle peut avoir le goût de la nourrir, un peu comme quelqu'un qui écoute constamment une chanson ancienne qui lui fait penser à son adolescence. Donc, plus qu'il vit ça à répétition, plus qu'à ce moment-là, ça devient difficile de s'en dépouiller, et plus qu'à ce moment-là, ça prend une volonté qui est inversement proportionnelle à celle qui l'amène à entretenir ce souvenir et cette nostalgie, pour être capable de s'en libérer et passer à autre chose. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la personne est tellement fossilisée en relation avec des souvenirs du passé auxquels elle donne beaucoup d'importance qu'elle vit une forme de conditionnement en lien avec ça. Et plus le conditionnement en fonction de mémoire ancienne est lourd et ça crée une densification énergétique, et plus à ce moment-là, ça vient difficile d'y mettre fin. Parce que plus que la personne vit en fonction d'éléments anciens, plus il devient difficile de s'en dépouiller, surtout s'il y a un attachement émotionnel. Autrement dit, le dépouillement, c'est un petit peu comme le grand ménage du printemps que les gens font lors de la fin de l'hiver. Donc, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui n'est plus utile, les gens sont appelés à s'en dépouiller. Et plus que la personne est libre de la forme, et plus qu'elle est capable d'agir rapidement en conséquence. Donc, autrement dit, ça peut dire à quelqu'un intérieurement de se détacher de son album photo de son enfance. Et si la personne fait une lecture vibratoire, puis elle dit « Ah, c'est ça qu'il y a à faire », puis elle est capable d'agir instantanément, bon, ben c'est parce qu'elle est capable de se dépouiller de ses formes anciennes. Tandis que quelqu'un qui a un attachement associé à ça, en lien avec l'énergie astrale, qui cherche à maintenir les liens par rapport à son passé et à ce moment-là, l'amener à vibrer émotivement à des émotions comme de la nostalgie, de la tristesse ou de la joie aussi en regardant certaines photos, bien, à ce moment-là, la personne ne va pas vouloir nécessairement spontanément s'en dépouiller. Et puis, elle peut vivre une période d'hésitation. Puis, plus qu'elle est attachée, plus que ça peut prendre de temps. Puis, si elle est très attachée, bien, elle ne bougera pas du tout. Quelqu'un qui est moyennement attaché à des photos, ça peut y prendre 6 mois, 3 mois, puis plus qu'ils se détachent, moins ça prend de temps. Ça peut être 2 mois, 1 mois, éventuellement une journée, puis éventuellement ben, le même moment. Donc, c'est la vibration de se détacher, elle s'en détache et ça va vite. Plus la personne est libre de la forme, plus qu'elle peut s'en détacher. Et ce qui en donne une mesure de la capacité de l'individu à être libre de la forme, c'est sa capacité de dépouillement et de détachement. Donc, plus que la personne est attachée à des mémoires puis à des souvenirs, plus à ce moment-là que la perte d'un d'entre eux va l'amener à vivre un processus de deuil. Donc, le processus de deuil, c'est quoi? C'est un processus d'intégration du fait qu'une personne est amenée à se détacher d'une forme. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, qu'il n'a pas choisi, donc sa compagne le quitte, ça fait pas plaisir à son égo, et là, il a à accepter quelque chose qu'il n'a pas désiré subjectivement en tant qu'égo, et plus qu'il était attaché à la relation, et plus que le deuil va être long à vivre, parce que ça va y prendre un temps d'intégration. Alors qu'une personne qui est libre de la forme, que son conjoint le quitte ou le quitte pas, ben, ça change rien à son état fondamental parce que il fonctionne à partir de la vibration. Et quelqu'un qui vit dans une unité de conscience avec l'esprit va avoir une mesure vibratoire avant que sa compagne le quitte, que cela va arriver parce que sa vibration va lui indiquer ce qui est amené à vivre. S'il y a à avoir une préforme de ça, s'il a été avisé de ça au préalable, ou lorsque ça va arriver, il va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, de l'accepter, puis de passer à autre chose, sans nécessairement passer 6 mois en arrêt de travail parce qu'il a sombré dans un état dépressif lié au fait qu'il ne veut pas accepter la situation. Donc, là, en fait, le dépouillement, les gens peuvent en avoir une mesure concrète à travers le fait d'accepter des choses auxquelles ils sont confrontés, mais qu'ils n'ont pas choisi subjectivement. Donc, c'est la capacité d'accepter des choses qui ne font pas l'affaire de l'ego, de ses désirs, et d'être capable de composer avec. Sinon, le dépouillement est fondamental pour l'individu qui passe à la conscience supramentale, parce que tant que la personne vit avec une grande quantité de formes astrales dans son aura, de mémoire non intégrée, de préjugés, de doutes, d'anxiété, de superstitions, de croyances politiques, de croyances religieuses, de croyances philosophiques, tant qu'il vit en fonction de ces aimants-là qui vont le conditionner, qui vont le programmer dans sa vie de tous les jours, bien à ce moment-là, il ne peut pas vivre un état de conscience individuée où il va fonctionner d'une manière autonome, psychique, à partir de la vibration de l'esprit. Donc, c'est un ou c'est l'autre. Soit que l'individu vit le conditionnement puis à un niveau psychologique où il s'appuie toujours sur des balises extérieures à lui pour agir, pour faire certaines choses, ou il développe une autonomie psychique réelle et un fonctionnement lié à une autorégulation vibratoire à partir de sa psyché, qui est associée à une capacité de fonctionner avec le vide de forme et à partir d'une vibration. Et c'est sûr que plus que l'individu vit du dépouillement, et plus il développe la capacité de fonctionner d'une manière autonome avec la vibration. Et c'est ça qui en donne une mesure. Donc, voilà l'essence du propos.